Le gâteau du mercredi. J'ai appelé ce gâteau le gâteau du mercredi, car il est très facile à faire avec les enfants. La grand-mère qui m'avait donné cette recette l'appelait le gâteau des mamans pressées, car il ne nécessite que 5 minutes de préparation. Commencez par préchauffer le four, thermostat 6, soit 180 degrés. Dans un saladier, versez 125 g de farine, 200 g de sucre, un sachet de levure, une pincée de sel, 3 œufs, 8 cuillères à soupe d'huile. On pourrait s'arrêter là, c'est la vraie recette du gâteau. Mais il est vraiment meilleur si on y rajoute une eau de pomme ou une eau de poire et une bonne pincée de cannelle. On mélange le tout et on le met dans un moule à gâteau ou un moule à cake si on préfère. Il ne reste plus qu'à le laisser cuire 40 minutes. Chez nous, les enfants préfèrent le manger tiède. Ah, j'allais oublier l'astuce du chef. La petite histoire à raconter aux enfants pendant la cuisson du gâteau. La voici. Les ribambelles de papier. Comme papa et maman travaillent le mercredi, c'est Aline, ma nounou, qui passe la journée avec moi. Hier, Aline devait m'emmener faire du vélo, mais il pleuvait vraiment très fort. À la place, nous avons décidé de faire des ribambelles de papier pour décorer ma chambre. Moi, j'en ai fabriqué en forme de fleurs. J'en ai découpé plusieurs, avec plein de couleurs, et Aline les a agrafées les unes aux autres. Ça faisait toute la longueur du mur de ma chambre. C'était très joli. J'ai même découpé une fleur géante qu'on a accrochée sur la porte. Aline a choisi de faire une ribambelle de petits bonhommes. Elle les a fait tout blancs, mais elle a dessiné des yeux et une bouche sur chaque visage. C'était long, mais c'était rigolo. Ils avaient tous un air différent. C'est là qu'Aline m'a dit « Regarde bien ». Elle a étalé la ribambelle tout le long de la table. « 1, 2, 3, dansez maintenant !» Tous les petits bonhommes se sont dressés, se sont séparés et ont dansé. Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais un petit peu peur, mais Aline m'a souri très gentiment pour me rassurer. Elle a tapé des mains et chaque petit bonhomme a fait tout un tas de pirouettes. On s'amusait bien. On aurait dit que les bouches qu'Aline avait dessinées bougeaient comme si elles parlaient. C'est là que papa est entré du travail. Quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, j'ai couru vers lui en criant « Papa, papa, Aline est magicienne !» Mais quand on est entré dans la salle à manger, le petit bonhomme était redevenu une ribambelle de papier immobile sur la table. Aline m'a fait un clin d'œil et a murmuré à mon oreille. « Chut, c'est un secret !» Papa s'est moqué de moi. « C'est normal, m'a-t-il dit. Aline est la fille de Mary Poppins. » Moi, j'attends impatiemment le retour d'Aline mercredi prochain. On doit préparer des petits bonhommes en pain d'épices. Lu par Sabine, pour audiocité.net, tout droit réservé à l'auteur.